caché en fond, yeux-moi. Et mon déjà c'était mon pâté qui serait longtemps. Mais des bras l'amour saisis-moi. Caresse ou toujours caravagez-moi. Mais gardez pas bon chez moi. C'est là qu'il n'y a plus de gars. L'ombrage ou qu'à tranquilliser-moi. Oh, laissez-moi avouer. Anti-prier, m'en gardez pour. Continue à tourner, tourner.